Choisir l'ombre ou semer la lumière. Choisir l'ombre ou semer la lumière. Ne rien faire, c'est laisser faire. Ton silence devient leur pouvoir. Agis ou l'ombre. La lumière se libère. Unis, on s'élève. Plus fort, plus fier. Ne rien faire, c'est laisser faire. Ton silence devient leur